dansons souvent au bord du cratère sur un volcan. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. Secouez, secouez-moi tout ça, le charme discret, le calme plat. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. Danser, le tigre a faim. Danser, vous n'avez plus rien. Danser, petit bout de chair. Danser au bord du cratère. Ni la poussière, ni le magma. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. Danser, le tigre a faim. Danser, vous n'avez plus rien. Danser, petit bout de chair. Danser au bord du cratère. Danser, le tigre a faim. Vous n'avez plus rien.